À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, le journal Lord Ensign donne le 27 juillet un éditorial titré « Faisons briller pour toujours les exploits accomplis par le grand camarade Kim Il-sung pour la victoire dans la guerre ».